L'association d'amitié Bulgarie-Corée a fait paraître le bulletin du mois de décembre. Dans l'article « Le cinquième anniversaire du décès du grand général », l'auteur a écrit que Kim Jong-il a matérialisé les idées du Juche et l'idée de Sun Gun pour ainsi développer le régime socialiste coréen et accomplir des exploits immortels dans tous les secteurs de la société.